Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles sur France Inter et en direct, le 18 juin 1940, l'appel du même nom. Voici l'histoire de ce jour historique, des jours d'avant et des jours d'après, entre découragement et sursaut. Le 10 mai 1940, la bataille de France commence. La victoire des Allemands est foudroyante. La Wehrmacht écrase les armées belges, britanniques et françaises. Le mot de cauchemar n'est pas assez fort, écrit le général Beaufre. Un mois après, le 18 juin, devant la poussée de l'armée allemande, le gouvernement quitte Paris pour Tours. Trois jours plus tard, le 13, la capitale est déclarée ville ouverte. Intramuros, tout combat y est interdit. 13 juin 1940, Seine-et-Oise. Au Couderay Monceau, à 60 km au sud de Paris, l'état-major vient une nouvelle fois de demander au 126e régiment d'infanterie de contenir la poussée allemande. Daniel Lecor est assis face à sa fenêtre, son fusil entre les genoux, il sort son papier à lettres et son stylo-plume. Cher Antoine, à la guerre, on s'ennuie. J'en fais encore l'expérience aujourd'hui. Hier, j'ai donné un coup de main au copain pour placer le canon anti-char dans l'axe de la rue principale, derrière un muret. Très légèrement décalé, il est invisible. Depuis le début, il fait le boulot le 25. Plusieurs Panzers au tapis. Demain, si les Boches attaquent, ils n'ont qu'à bien se tenir. En un mois, on a beaucoup appris. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Depuis que le lieutenant Héroux a pris la responsabilité de la compagnie, le sergent Pansec commande la section. Dans le civil, il est chef de ligne à la retape, comme il dit. On sent qu'il a l'habitude de commander, et il a vite appris. Il a installé l'essentiel de la section dans les étages supérieurs des maisons et conserve avec lui les meilleurs tireurs qu'il a disséminés un peu partout. Le fusil mitrailleur reste avec lui pour lui assurer de la liberté d'action. Chacun a pris le temps de reconnaître un chemin de repli rapide et sûr. On doit tenir une demi-journée le temps de reconstituer le front. Comme à chaque fois, il va falloir décrocher dans l'urgence. Si la poussée est trop violente, on a repéré d'autres postes de combat un peu plus bas dans le village. Embrasse les parents. Les parents. Ton frère. Daniel. Malgré quelques actes héroïques, c'est la débâcle. La Luftwaffe bombarde et mitraille pêle-mêle les civils qui fuient et les unités militaires à la dérive. La bataille de France continue, mais l'armée de terre est sur le point de s'effondrer. Mussolini va en profiter pour attaquer l'armée des Alpes. C'est un moment clé. Entre le 13 juin et le 22 juillet 1940, la France va se déchirer entre soumission et résistance. C'est ce fragment d'histoire que nous allons vous raconter. À hauteur de femmes et d'hommes pris au piège, nous allons suivre les pêcheurs de l'île de Sein, des intellectuels parisiens, des ouvriers du livre. Le tout au travers des journaux de l'époque, comme Le Temps, Le Matin ou Le Petit Marseillais. Notre invité aujourd'hui, Laurent Douzou, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Lyon, spécialiste de l'histoire de la résistance intérieure. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et Retro News, le site de presse de la BNF, préparée aujourd'hui par Bertrand Rottet, recherche d'archives Daphné Alia, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 14 juin 1940, Paris est vide, ses habitants désertés. Quelques unités se battent encore dans les faubourgs. Place du Trocadéro, à 6h du matin, Paul Rivet, directeur et fondateur du Musée de l'Homme, se lève. Encore 5 minutes et je dois y aller, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me mets à parler tout seul. Ce matin du 14 juin, le soleil entre dans la cuisine de son appartement de fonction. C'est le seul mois de l'année où Paul Rivet n'est pas obligé d'allumer la lumière. Il a l'habitude de se lever tôt. Il n'a pas très faim. La tranche de jambon n'a pas été entamée. Son verre de vin n'est pas terminé. Non, il se contente de sa tartine au sein doux. Il a conservé cette conception du petit déjeuner de ses Ardennes natales. Comme chaque matin, il est seul dans sa cuisine et il cogite. Émile Auguste et Paul lui manquent. Pourtant, depuis 4 ans, il les voit de moins en moins, ses amis du comité de vigilance antifasciste. Entre 1934 et 1936, ils ont pu apprendre des décisions difficiles, mais ils étaient 3 à décider. Les relations n'ont pas toujours été faciles entre eux. Eux, le philosophe radical Émile-Auguste Chartier, plus connu sous le nom d'Alain, et le physicien communiste Paul Langevin. Malgré leurs oppositions, les échanges ont toujours été bienveillants et, au bout du compte, ils ont toujours trouvé un terrain d'entente. Comme le confirme la résistante Colette Audrey. C'est vrai que ce comité de vigilance des intellectuels dans les débuts, ça a été une vraie fraternité entre communistes, socialistes, pacifistes, parce qu'il y a, Alain là-dedans, n'est-ce pas? C'est Alain, Rivet, Langevin. Langevin qui est, à ce moment-là, je crois pas qu'il était, je sais pas s'il était au Parti communiste, mais en tout cas, il était compagnon de route. Paul Rivet qui était socialiste, et Alain qui se disait radical, parce que il paraît que les radicaux l'ont jamais beaucoup apprécié comme un des leurs. L'horloge indique 6h30. Paul Rivet va faire sa promenade matinale autour du musée. Tous les jours, il fait un grand tour de 40 minutes. Il met son chapeau et en avant. Depuis que les Parisiens ont fui, les oiseaux sont revenus. Par provocation, Rivet fait un petit détour par le musée Clémenceau, rue Benjamin Franklin, au numéro 8. Puis il descend sur les quais. La vue du port de Billy, juste dans le coude de la Seine, lui est toujours agréable. En remontant l'avenue du président Wilson, il se récite le déroulement des événements. En ethnologue, mais surtout en médecin, il aime énumérer les symptômes pour ne pas se tromper dans les diagnostics. Dunkerque est tombé le 4, la ligne Végan s'est effondrée le 6. L'histoire ne repasse pas les plats, il n'y aura pas une troisième bataille de la Marne. Paris s'est vidé en quelques jours. Aujourd'hui, le 14, les Allemands doivent entrer dans la capitale. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont aux portes de Paris. Mais Paul Rivet est serein. Sa promenade matinale lui a fait du bien. De son bureau, il regarde la Seine. Il n'y a pas une péniche. Pourquoi vais-je faire cela? Mon parcours de militaire, mon devoir de résistance, mon engagement politique, se demande-t-il. Parce que Paul Rivet est un homme complexe. C'est un patriote socialiste. Son cadet est vice-amiral d'escadre. Il lui a même commencé sa carrière comme médecin aux armées. Il a dirigé un hôpital de campagne pendant la Première Guerre mondiale. En 1935, son engagement socialiste l'a poussé au Conseil de Paris, où il était un élu de gauche. Ah, il reconnaît sa secrétaire. Entrez. Comment allez-vous, mademoiselle? Très bien, monsieur, merci beaucoup. Que fait-on aujourd'hui? Mais comme d'habitude, on ouvre le musée. Vous êtes sûr, monsieur? Aujourd'hui, la Wehrmacht entre dans Paris. Oui, mademoiselle, je suis sûr. Le musée doit ouvrir. Rivet sort alors des papiers de sa poche. Vous allez juste coller ces poèmes dans l'entrée, mademoiselle. Un à côté de la caisse, un autre sur la porte. Quelques années plus tard, il expliquera son geste. Ceci est un poème que j'aime beaucoup, d'abord parce qu'il est très beau et parce qu'ensuite il évoque pour moi un souvenir ineffaçable. Le jour où les Allemands sont entrés à Paris, j'ai fait placarder ce poème sur tous les murs du Musée de l'Homme et il y est resté jusqu'au jour où, au début de 1941, j'ai dû à mon tour, sous la double persécution des Allemands et de Vichy, prendre le chemin de l'exil. Le voici. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et que la gloire, tu seras un homme, mon fils. 17 juin 1940, les Allemands ont franchi la Loire, la ligne Maginot est attaquée à revers. À midi et demi, de Bordeaux, le maréchal Pétain annonce son intention de demander l'armistice aux Allemands. J'ai le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, efface taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Il faut se rendre à l'évidence, l'armée n'a pas été à la hauteur. Comme dans un mauvais rêve, l'ennemi était partout. Il portait des coups avec une liberté diabolique. Nos pieds étaient cloués au sol. Nos forces, paralysées par mille liens invisibles, semblaient ne nous permettre que des gestes ralentis, témoigne le général Pauvre. 18 juin 1940, Paris, 6e arrondissement, midi 20, restaurant Le Petit Saint-Benoît, rue Saint-Benoît. Comme il le fait deux fois par semaine depuis qu'il a arrêté de travailler, Philippe Le Barbe est parti pour déjeuner dans cet établissement. Au kiosque du boulevard Saint-Germain, il a acheté deux journaux, Le Matin et Le Parisien. Il aime la presse, Philippe Le Barbe. En 40 ans, il a bourlingué entre les rédactions. Il a été à deux reprises, le numéro 2 du Temps, le journal de référence de l'époque. Il a aussi dirigé la Côte des Fossés. Sa moustache est encore légendaire, ses coups de gueule également. À 80 ans, sa hanche lui fait mal, mais il a envie de croiser le sourire de la serveuse. Une semaine sans la voir, c'est long, pourvu qu'elle ne soit pas partie, elle aussi, avec tout le monde. Le Matin est l'un des premiers quotidiens à être réimprimé dans la capitale. Un titre, accroche Philippe. Paris reste Paris. L'attitude de la population parisienne est particulièrement réconfortante. Le journal se réjouit de la collaboration entre le préfet de Paris et la commandante Tour. Il invite la population à continuer à faire preuve, je cite, « de la même dignité dans l'adversité et aussi de la même correction dans ses rapports avec les autorités du Reich ». Le communiqué officiel allemand occupe la place centrale de la une. Philippe Le Barbe sourit. L'affaire est pliée, Le Matin choisit son camp, celui de l'occupant. La une du Parisien lui paraît plus neutre, plus informative, plus sérieuse. Et pourtant, il n'aime pas les titres interrogatifs genre « vers un armistice » avec point d'interrogation. Le sous-titre est plus clair. Le maréchal Pétain a demandé aux Allemands quelles seraient leurs conditions de paix. Pour la titraille et la mise en page, ça sent l'urgence, le travail bâclé. Si le lecteur comprend bien ce qu'il peut y avoir sous le titre « La France survivra », Philippe Le Barbe, lui, n'aurait jamais laissé passer des locutions comme « la journée gouvernementale » et encore moins, « la situation militaire ». Alors il se voit hurlant dans la rédaction « Notre métier, c'est donner envie de lire ». Et pourtant, il y a de l'information. L'article sur la situation militaire est très dynamique. Marine intacte, aviation assez éprouvée mais plus puissante qu'au début de la guerre. Armée de terre, sans réserve et sans matériel. Voilà, c'est précis, efficace, rien à dire. Monsieur Le Barbe, de son kir, lui demande sa serveuse préférée. Elle n'a pas fui, elle n'a même pas attendu sa réponse d'ailleurs. Le kir est déjà sur la table. 18 juin 1940, 18h, Londres, Seymour Place, à l'est de Hyde Park. La journée a été harassante. Elisabeth de Miribel ne s'est pas immédiatement aperçue qu'elle vient de vivre un moment exceptionnel. Non, pour l'instant, elle est seule dans le petit appartement de Seymour Place, à Londres. Elle regarde sa montre. Doit-elle rentrer ? Le général de Gaulle et Geoffroy de Courcelles, son aide de camp, sont partis il y a une demi-heure pour la BBC à Broadcasting House. Le rendez-vous est prévu à 18h. Ils doivent être en train d'enregistrer le discours. Il sera diffusé dans la soirée. Et hier, elle n'y croyait pas quand son ami Geoffroy de Courcelles l'a appelé. Moi, devenir la secrétaire de ton général ? Pourquoi pas, mais je te signale que je tape fort mal à la machine. Geoffroy lui répond qu'il n'a pas le choix, qu'il n'a personne d'autre sous la main, le goujat. Le général, lui, est arrivé la veille par avion. Il a tout de suite été reçu par Churchill, qui lui a prêté cet appartement. Pendant la matinée, il passe l'essentiel de son temps dans la pièce mitoyenne. Il a l'air très tendu. Elisabeth remarque qu'il fume cigarette sur cigarette. Ses échanges sont très longs avec les autorités britanniques. Geoffroy traduit. Visiblement, le général de Gaulle ne parle pas l'anglais, ou très mal. Elisabeth a compris que les Britanniques demandent des modifications. De Gaulle résiste. Il se bat pour son discours. Vers 3h, les autorités anglaises valident le texte. Elisabeth de Miribel s'est assise derrière la machine à écrire. Les feuilles manuscrites sont très difficiles à déchiffrer, il y a beaucoup de ratures, surtout au début du texte. Pour gagner du temps, Geoffroy lui en a dicté des passages. Et puis, au fur et à mesure, il a emporté les pages dactylographiées pour les soumettre au général, avec très peu de corrections. Je suis arrivé, j'ai d'abord commencé par ouvrir la porte au premier volontaire. De Gaulle et Courcelles sont sortis, on m'a laissé un papier indéchiffrable parce que j'avais jamais lu l'écriture du général de Gaulle, c'était très raturé, j'ai essayé de taper, ils sont revenus, Courcelles m'a dicté, j'ai recommencé, le général recommençait aussi. J'avais l'impression que c'était un événement historique dans la mesure où tout ce que j'avais vu à la mission Morand, c'était des gens qui voulaient rentrer chez eux, qui étaient écroulés, qui ne parlaient que de sauver leur famille, ce qui était encore le mieux, mais surtout de sauver leurs meubles. Et tout d'un coup, je me trouve devant cette espèce de rocher, d'homme sûr, lucide. Et bien sûr que c'était l'histoire, mais on ne pouvait pas, à 24 ans, il y a 40 ans, penser que ce serait vraiment une date historique. juin 1940, 21h, île de Sein, dans le presbytère, rue Fernand Crouton. Dans ce bout du Finistère, sur ce tout petit bout de France, monsieur le curé va se coucher. En montant dans sa chambre, l'abbé Guilherme pense à ses paroissiens. Ce matin, à la sortie de la messe, il a assisté au départ des pêcheurs. C'est rare, rare que la marée lui permette de voir partir ses ouailles. Soit les horaires ne correspondent pas, soit il fait nuit. Mais là, c'est parfait. Le prêtre ouvre le journal. Il aime Ouest Éclair, son journal. Créé à la fin du 19e siècle, il appelle les catholiques de l'Ouest à rallier la République. Le titre barre toute la première page. Le maréchal Pétain, chef du nouveau gouvernement, demande aux Allemands ses conditions pour une suspension d'armes. Ça suffit, le curé n'a pas envie d'en savoir plus. Il pose le journal sur la table de nuit et éteint la lumière. Mais à 52 ans, il a du mal à trouver le sommeil, et encore plus aujourd'hui. Dans cette période troublée, il ressasse. Pour s'endormir, il écoute la radio. Sur une table, à côté de son lit, il a monté un poste de TSF et il parcourt les différentes stations de l'Hexagone. Ce soir-là, il ne trouve rien qui l'intéresse. Le geôlier du noir fut pendu, cher truc fut battu. Mais depuis lors, d'autres amants sont toujours très imprudents. C'est pourquoi nous autres qui avons l'âge de raison, nous devons chanter aux jeunes gens d'un air intelligent. Si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa, de la patrouille. Du système jusqu'au sous-sol, en fa dièse, en mi bémol, en do, en ré ou en sol, chantons tout ça. Il n'aime pas tellement la variété, notre curé. Il préfère la vérité, d'autant plus que la situation catastrophique ne se prête pas au divertissement. Alors, il préfère s'endormir en écoutant la BBC où un général français appelle à la résistance. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De l'ami mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. 19 juin 1940. Cela fait maintenant deux jours que le maréchal Pétain s'est adressé à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. On connaît la déclaration, on connaît la musique, on ressent toujours le malaise. En tout cas, si la guerre a perdu de son intensité, elle n'est pas terminée, elle continue. Les Allemands sont en position de force et ils veulent que cela se sache, alors ils en jouent. Le lendemain, ils vont bombarder Bordeaux. Il faudra attendre le surlendemain pour qu'ils commencent les pourparlers d'armistice. Le 19 juin 1940, 6h du matin, Bordeaux, imprimerie sud-ouest. Son responsable vient rappeler le directeur du journal Le Temps, ses engagements. Ça doit tourner, monsieur, il y a urgence. Certains ouvriers sont empressés autour des rotatives, d'autres avec leurs chiffons attendent, les bras ballants. Le bruit est assourdissant, tout le bâtiment tremble. Ça fait quelques jours que la presse nationale est venue s'installer sur les bords de la Gironde après un court passage à Tours. Tous les deux ou trois jours, chacun fait la queue pour imprimer ses deux ou quatre pages. Dans la salle de compo, l'atmosphère est studieuse. Trois typographes en blouse grise profitent de la rampe de lumière pour travailler. Le dos sur une armoire, le directeur s'est posé. Il sait l'urgence. Le Figaro attend son tour. Il veut quand même relire une dernière fois avant de faire tourner les rotatives. L'édition du Temps est datée du 19, 20 et 21 juin 1940. Dans son édito, le quotidien de référence explique les alternatives. La perspective de continuer le combat aux côtés des Anglais est présentée comme une attitude altière, faite pour tenter les cœurs généreux, mais supposerait d'abandonner 40 millions de Français à l'arbitraire du conquérant. Le choix de la négociation avec les nazis est d'une position moins fière, mais surtout moins facile, au fond, plus courageuse. L'article est ainsi rédigé clair, sérieux, comme il sied au quotidien officieux du Quai d'Orsay. Le cas de Gaulle est relégué en page 4. L'article est lapidaire. Il dit « Le ministère de l'Intérieur communique l'information suivante. Le général de Gaulle, qui a pris la parole à la radio, à Londres, ne fait pas partie du gouvernement et n'a aucune qualité pour faire des communications au public. Il a été rappelé de Londres et a reçu l'ordre de rentrer en France et de se tenir aux ordres de ses chefs. » Ces déclarations doivent être regardées comme non avenues. Le directeur est satisfait. Le communiqué de l'Intérieur évite de prendre parti. Il sait que ses concurrents, les autres quotidiens nationaux, seront encore plus faussards. Ils ne feront pas allusion à l'appel de la veille. Le rythme s'accélère. Avant de partir, le directeur attrape un journal au vol. Les lignes flottent sur le papier, rien n'est aligné. Les machines vont trop vite. Il est résigné. On n'a que très peu de temps pour imprimer le journal. Alors, d'un geste de la main, il remercie son confrère de Sud-Ouest qui a bien voulu l'accueillir et lui prêter ses rotos. Sur le gâchis diplomatique, on donne à dire vous vieux, on dit. Mais si d'or devient pathétique, quand Hitler est sur le tapis, quelqu'un fait c'est le type spécifique, l'histrion des accès aux faciès qu'il la rend. Et mégalomane pathologique, indiscutablement, le rêve aux déficients. Au premier abord, ça paraît compliqué, mais Isidore vient tout expliquer. D'abord, il y a Capote et gonflé, moi Hitler, j'ai dans le blair et je peux pas leur renifler. Et les nazis ont l'air d'oublier, et nous dans la bagarre, on les a débrouillés. Moi, ça... En vérité, très peu de journaux font mention du discours du général. En ce 19 juin, le Petit Marseillais et le Petit Provençal sont des exceptions. Le Petit Marseillais, par exemple, avec un ton neutre et sous le titre « Le général de Gaulle lance un appel à la guerre à outrance », cite le discours sur une demi-colonne. L'évocation se termine par ces mots. « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. » Pour le reste, comme la presse nationale, la presse quotidienne régionale a préféré taire l'information. Mmh. 19 juin, 13h, Paris 6e, retour au Petit Saint-Benoît. Philippe Le Barbe est revenu dans son restaurant. Il est assis là, sur la banquette en moleskine. La serveuse lui a apporté son kir. Par jeu, il a racheté le matin au kiosque. En première page, on apprend que, sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, dans tous les quartiers de Paris, un certain nombre de cafés commencent à rouvrir, on se déconfine. Chaises et guéridons garnissent à nouveau les terrasses, et les clients sont nombreux. Ici, on a posé un calicot, il y a de la bière fraîche, et elle semble très appréciée des consommateurs, car dans bien des cafés, la glace manque. Sur deux autres colonnes, un journaliste est allé traîner dans le ventre de Paris. Rien ne paraît changer à l'aspect habituel des halles. S'il y a moins de marchands au carreau, les clients sont plus nombreux et l'animation est toujours aussi grande qu'il y a 15 jours. Bref, il y a de la joie. C'en est trop. Philippe Le Barbe explose. Bien sûr que si Paris a changé, il y a les boches qui défilent sur les Champs-Élysées. Ça ne vous suffit pas. Le 13 juin, la demande d'armistice était inéluctable. Cet échec vous a surpris, vous souvenant de 1914 et de 1918. Vous en cherchez les raisons, je vais vous les dire. Le 1er mai 1917, nous avions encore 3 280 000 hommes aux armées, malgré 3 ans de combats meurtriers. À la veille de la bataille actuelle, nous en avions 500 000 de moins. En mai 1918, nous avions 85 divisions britanniques. En mai 1940, il n'y en avait que 10. En 1918, nous avions avec nous les 58 divisions italiennes et les 42 divisions américaines. L'infériorité de notre matériel a été plus grande encore que celle de nos effectifs. L'aviation française a livré à 1-6 ses combats. Moins fort qu'il y a 22 ans, nous avions aussi moins d'amis. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Voilà les causes de notre défaite. Voilà comment le 20 juin 1940, de Bordeaux, dans un discours radiodiffusé, le maréchal Pétain analyse les causes de la défaite. Le 22 juin, l'armistice est signé dans la clairière de Rotonde, dans le même wagon que celui où fut signé en 1918 la fin de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin, le général de Gaulle est reconnu par les autorités britanniques comme le représentant de la France libre. Le 1er juillet, le gouvernement français s'installe à Vichy. Les Français sont soulagés. Ils commencent à rentrer chez eux. Mais le 10 juillet, c'est la fin de la Troisième République. Le 12, à Paris, dans le 16e arrondissement, à 6h du matin, Paul Rivet est de retour dans son bureau. Le directeur du Musée de l'Homme est assis. Il tient à la main la lettre qu'il a écrite cette nuit. Joséphine doit la poster au plus tard dans 1 heure. C'est donc la dernière lecture. Et il est content de son travail. L'écriture est empreinte d'une grande politesse et d'une grande solennité. Ce qu'il veut, parce que le temps n'est pas à l'acrimonie. Monsieur le maréchal, permettez-vous à un Français, en cette date qui évoque pour chacun de nous tant de nobles souvenirs, tant d'espoir, tant d'enthousiasme et tant de gloire, et qui aujourd'hui ne nous apporte que le deuil et le désespoir, de vous parler avec tout le respect, mais aussi avec toute la franchise qu'il doit aux grands soldats que vous êtes. J'ai eu le très grand honneur de servir sous vos ordres à l'heure la plus grave, la plus douloureuse, la plus lourde de votre vie, de notre vie. J'étais à Verdun pendant tout le mois d'avril 1916, à cette époque où vous portiez sur vos robustes épaules tous les espoirs de la France. Il survole les lignes suivantes, car sa pensée est repartie là-bas, vers ses frères d'armes, vers les médecins qu'il a commandés, vers les chirurgiens de première ligne qu'il a soutenus et surtout vers les blessés qu'il n'a pas pu secourir. Son esprit se raccroche au texte, puis la charge commence. C'est le général Pétain qu'il faudrait à la France, celui de 1916, et non le maréchal de 1940. Monsieur le maréchal, le pays n'est pas avec vous. La France n'est plus avec vous. Signé Paul Rivet, rien de plus. Prénom, non, même pas la fonction. Il ne sait pas encore, mais le jour où le maréchal Pétain recevra cette lettre, l'un des premiers organismes de résistance français se constituera. Son nom, les Amis d'Alain Fournier. À partir de cette dynamique, une nébuleuse, selon Germaine Tillon, entre en résistance. Certains informent les alliés, d'autres exfiltrent des aviateurs abattus, d'autres aident les prisonniers évadés. Ils vont être une centaine, dont Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonioz, la nièce du général, le colonel Paul Haouet, ainsi se battre, insoumis. Le réseau va vivre, évidemment, des moments très difficiles, dramatiques. Sur dénonciation, il est en grande partie démantelé par la Gestapo. Beaucoup de ses membres seront fusillés, d'autres déportés. En 1946, Germaine Tillon, de retour de déportation, fera homologuer ce réseau sous le nom Groupe Réseau du Musée de l'Homme. Le 22 juin 1940, 16h, île de Sein, hôtel de l'Océan. La mère Menou, la patronne de l'hôtel de l'Océan, a placé son énorme poste TSF sur le rebord de sa fenêtre. Les insulaires se sont rassemblés. Il y a là le maire, l'abbé Guirme, les bâtons de pêche, le boulanger. Henri Thomas, le gardien du phare, a prévenu qu'un général doit parler à la radio. Alors, la voix du général s'élève dans un silence religieux. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Sur l'île de Sein, l'abbé Guilherme a reconnu la voix de la BBC. De Gaulle a enregistré un nouveau discours. Nous n'avons plus aucune trace de celui du 18. Le 24, deux bateaux appareillent pour l'Angleterre, bénis par l'abbé Guilherme. Trois autres partent deux jours après. Au total, 140 Sénans rejoignent la Grande-Bretagne, 128 s'engagent dans les forces françaises libres et 18 meurent au combat. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V. Sur les murets, sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en dévêt les doriformes, et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez, vé. Ce petit mot gentil, ce petit mot qu'on dit, qui sonne plus que jamais à vos oreilles. En vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille, espoir. Il suffit de penser à lui, alors on nous trouve splendide, espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour y prolonger le bonheur, espoir. Petit feu par moment voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier, espoir. De toi l'on se nourrit, bien mieux que d'un rôti. Que belle, belle est donc la vie quand tu fleuris ce que j'écris. Ce soir tu me séduis, beauté choisie, n'est-ce pas toi qui ris ici, si, espoir. Il est prouvé que l'on vit d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. Ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Espoir. Espoir. Espoir. Espoir. Que l'on vit d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. Ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'appel du 18 juin 1940, en cette journée du 18 juin 2020. Notre invité aujourd'hui, Laurent Douzou, bonjour. Bonjour. Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Lyon, spécialiste de l'histoire de la résistance intérieure. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance de 1940 à 1944, coécrit avec Sébastien Albertelli et Julien Blanc aux éditions du Seuil, paru en 2019 dans la collection La librairie du 21e siècle. Bien, alors... Oui, sur le temps long, sur l'histoire de long terme, juin 1940 est un grand moment de l'histoire de France, ça paraît évident. Certains historiens vont jusqu'à dire et penser que c'est autour de cette date, le 18 juin 40, que s'articule l'histoire du XXe siècle en France. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, je crois qu'on peut la partager en ce sens que juin 40, c'est un véritable séisme. C'est-à-dire que c'est pas une défaite militaire, c'est une défaite militaire, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, tout le pays est complètement soufflé et il va falloir, sur ses décombres, reconstruire quelque chose. Donc il y a vraiment là un effet de souffle qui est, je crois, sans équivalent. Il faut remonter très loin. Maurice Agulon, l'historien, remontait à la guerre de 100 ans. Ah oui, effectivement. Pour trouver oui, carrément. Pour trouver une situation aussi dramatique que celle-là. À quel moment du mois de juin on peut dire que la bataille est vraiment perdue? On peut dire que vers le 5 juin et même peut-être un peu avant déjà, on est tout à fait conscient que dans les milieux bien informés, que la bataille est perdue, très clairement. Et les élites françaises s'en rendent compte vraiment ou elles ne veulent pas voir? Parce que parfois dans des situations dramatiques comme ça, il y a un déni de réalité, quelque temps. Alors non, les élites françaises se rendent assez vite compte que la situation est perdue. Et elles se laisse aller, je dirais, au fil de l'eau, sans vraiment être capable de réagir, avec un débat qui divise le gouvernement français, qui part de Paris le 10 juin et qui atterrit à Bordeaux. Et le débat, c'est est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, continuer la lutte, ou est-ce qu'il faut signer un armistice ? Bien sûr. Alors, on va revenir quand même sur l'armée française, parce que, évidemment, dans l'esprit de chacun, elle a été écrasée, mais elle a quand même enregistré quelques victoires. Elle s'est battue. Comment s'est battue l'armée française? Pour sortir quand même de cette idée qui serait un raccourci coupable de penser bon, alors qu'elle n'a rien fait, qu'elle était écrasée d'un seul coup. L'armée française s'est battue vaillamment, résolument. Elle a enregistré 60 000 morts, ce qui n'est pas rien, en 6 semaines de combat. Le problème, c'est que elle n'avait pas la stratégie qui lui permettait de faire face à la Wehrmacht. Et ça, on le voit très bien dans l'opposition entre l'analyse que fait le maréchal Pétain le 17 juin de la défaite et celle que fait en réponse le général de Gaulle le lendemain sur les antennes de la BBC. Très clairement, le général de Gaulle met en cause la stratégie et pas du tout le courage des hommes ou leur volonté de se battre. Et quand même, et c'est bien, on a l'impression qu'on assiste à une nouvelle lecture de l'histoire, parce qu'on insiste de plus en plus sur la résistance de cette armée, plus que sur sa débâcle. D'ailleurs, il y a un mois, le président de la République actuelle s'est rendu à Montcornet pour célébrer l'une des victoires de l'armée française. Est-ce une nouvelle lecture de cette période-là ? Je crois qu'il y a eu des victoires, et Montcornet en fait partie, mais c'est vraiment dans un océan de défaites. Par conséquent, oui, je crois que là, il y a une relecture qui pose problème. En ce sens qu'on peut pas faire débuter la résistance avant le 17 juin 40. C'est pas envisageable. Ouais. Alors, on a parlé de l'état d'esprit des élites françaises. Quel est l'état d'esprit de la population française en juin 40? Évidemment, tout le monde ne pense pas la même chose et ne réagit pas de la même façon, mais globalement. Que vivent les Français? Mais les Français sont, au sens psychiatrique du terme, sidérés. C'est-à-dire qu'on avait tout attendu, on pouvait attendre une lutte très longue, on pensait aux tranchées de 14-18, on se disait ça sera très dur, etc. Ou peut-être qu'on gagnera très vite, puisque la France était censée avoir une des meilleures armées du monde. La seule chose qu'on n'avait pas envisagée, dans l'opinion française, c'était une défaite aussi fulgurante et humiliante. Donc ce qui va se produire, c'est un état de sidération. Et du coup, la population française, en juin 40, au moment où le maréchal Pétain va annoncer l'armistice le 17 juin, enfin la demande d'armistice, cette population sera finalement soulagée qu'on mette fin à ce qui est un véritable calvaire. Ça veut dire que pour ceux qui vont ensuite envisager de faire quelque chose, ils disent pas résister à l'époque, mais faire quelque chose, le premier travail, ça va être de vaincre cet état de sidération. Et donc ces gens vont d'abord faire un travail sur eux-mêmes pour essayer de se convaincre que quelque chose est possible. Et c'est seulement quand ils seront convaincus chacun individuellement que quelque chose est possible qu'ils essaieront de contacter d'autres gens. Vous voyez donc l'état qui prévaut, c'est l'accablement, c'est la défaite, c'est au sens littéral du terme le découragement. Et quelle place se ferait la peur dans ce contexte-là? Une peur paralysante, peut-être. Alors, la peur est paralysante d'abord parce que la foudre est tombée sur le pays. Et puis, elle est paralysante parce que l'occupant montre très vite que si on veut lui résister, on risque sa vie. Et donc, dans la zone occupée, en tout cas, très vite, on va se rendre compte qu'il y a danger de mort à s'opposer à l'occupant. Et donc, la peur, évidemment, c'est une donnée fondamentale de la manière dont les uns et les autres vont réagir à cette situation. Parce qu'il faut non seulement en conscience émerger, mais il faut aussi dominer sa peur. C'est pas rien de dominer la peur de mourir. Donc, tous ces gens vont petit à petit faire ce chemin, mais c'est un chemin long, très difficile. Il y a la peur, et puis il y a aussi l'idéologie, je pense aux journaux, en tout cas certains journaux français qui se mettent à collaborer finalement assez vite. Est-ce que là, de la part de la presse, il y a un relais de la peur, en se disant, si on agit différemment, c'est dangereux pour nos vies, ou est-ce qu'il y a un relais de l'idéologie? Alors, pour une part, pour les journaux qui resteront à Paris, qui seront collaborationnistes, c'est un relais d'idéologie. Beaucoup de journaux, comme vous le savez, qui étaient à Paris, vont se replier en zone sud, et vont paraître jusqu'en novembre 1942, c'est-à-dire jusqu'à l'invasion de la zone sud par les Allemands. Et beaucoup d'entre eux se saborderont à l'entrée des Allemands en zone sud. Donc, chez les journalistes, il n'y a pas une attitude univoque. Il y a des attitudes assez tranchées. Et au fond, il y aura une grande différence entre la presse collaborationniste parisienne, parfois même financée par les Allemands, et la presse qu'on a en zone sud et qui est une presse plus libre, mais quand même sous contrôle et sous censure du gouvernement de Vichy. Alors, on parlait de la résistance tout à l'heure. Vous me disiez, on ne peut pas estimer, en tant qu'historien, dans une analyse à la fois lucide et critique, que la résistance a commencé avant le 18 juin. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion-là, s'il vous plaît, parce qu'on va maintenant parler des résistants. Alors en fait, la résistance, elle commence avant le 18 juin. Elle commence le 17 juin, au moment où le maréchal Pétain annonce qu'il a demandé un armistice. D'accord. Pourquoi ça commence là? Ben parce que, par exemple, à Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, qui est un père de famille, va, la nuit du 17 au 18, aller distribuer des tracts qu'il a lui-même fabriqués dans des boîtes aux lettres de sa ville. Et sur ces tracts, il a, avec une imprimerie d'enfants, imprimé un texte de Charles Péguy. Mmh. En temps de guerre, celui qui se rend est mon ennemi, celui qui ne se rend pas est mon ami. Et il va diffuser ce tract, et ben, le général de Gaulle n'a pas encore parlé, on est dans la nuit du 17 au 18, et déjà, il a envie de faire quelque chose. Alors, ça a l'air dérisoire, mais Edmond Michelet deviendra ensuite le chef départemental du mouvement combat, il sera arrêté, il sera déporté. En d'autres termes, un petit geste dans la nuit du 17 au 18 juin conduit à des événements beaucoup plus importants par la suite. Mais oui. Donc, oui. La résistance, elle va d'abord se constituer en réaction au discours du maréchal Pétain. C'est clair, ça c'est vraiment clair. Elle est artisanale au début, c'est normal, et puis elle s'organise ensuite. Mais qu'y a-t-il par exemple de commun, pour revenir au récit, entre le général de Gaulle, Paul Rivet et les pêcheurs de l'île de Sein? Ben, je trouve que c'est votre émission de ce point de vue-là était remarquable, parce que ce qu'on voyait très bien, c'est qu'on a un véritable kaléidoscope. Oui. Et vous voyez, c'est très difficile quand on écoute votre émission de se dire mais qu'est-ce qu'il peut y avoir commun entre un pêcheur de l'île de Sein et le professeur Paul Rivet. Écoutez, très franchement, pas grand-chose. Avec quand même un plus petit dénominateur commun qui est le patriotisme. Ça, c'est le socle commun. Et puis ensuite, vous avez des motivations très différentes. Je ne connais pas celles précises des marins de l'île de Sein, mais le professeur Rivet, il a tout un passé que vous avez rappelé de militants antifascistes. Oui. Mais d'autres vont résister parce qu'ils sont germanophobes et qui peuvent appartenir à la droite la plus dure. Donc là, vous avez un kaléidoscope, une mosaïque de gens qui ont des motivations extrêmement différentes les unes des autres. Et qui trouve comme plus petit dénominateur commun qu'il faut chasser l'occupant du pays. Et après, se pose la question du régime de Vichy. Beaucoup des premières résistances sont assez favorables au régime de Vichy. Et puis petit à petit, le temps passant, leurs yeux se dessilleront et ils finiront par être, dans leur écrasante majorité, très hostiles au gouvernement de Vichy. Mais l'hostilité à l'allemand, elle est tout de suite présente et elle est très forte. C'est le ferment et le ciment, effectivement. Alors, une question oui. personnelle, si je peux me permettre, en même temps qu'une question sur la méthodologie de l'historien, est-ce que vous pouvez dire, vous, par exemple, qu'avec le général de Gaulle en juin, nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre, grâce au discours du général, j'entends bien. Alors, le discours du général, il faut distinguer deux plans très différents. Le discours en lui-même n'est pas un événement de premier plan. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle, au moment où il le prononce, c'est quelqu'un qui est inconnu du grand public, on ne connaît pas sa voix, on ne connaît pas son visage, on ne connaît même pas son nom. Dans l'appel du 18 juin, il est obligé de dire « moi, général de Gaulle ». C'est vrai. Ce qui revient à dire son nom, en quelque sorte. Donc il n'a même pas le degré de notoriété qui fait qu'on reconnaît une voix à la radio. Vous voyez ? Donc, il est, dans de ce point de vue-là, le discours ne serait pas important, mais le discours, il est décisif parce qu'il va agir comme un symbole. Vous avez cité l'avant-dernière phrase, « quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Cette affirmation-là, elle est absolument cruciale, parce qu'elle marque un point de départ. Alors, je le répète, des gens commencent en France à résister avant son appel, d'autres vont résister en France sans avoir entendu son appel, mais au bout du compte, l'appel du 18 juin fera figure de borne, de marqueur, de symbole, et en ce sens, il a un poids considérable. Alors, vous disiez que le mouvement de résistance avait commencé le 17 juin en opposition au discours du maréchal Pétain. Eh bien, le 17 juin, un certain Charles Tillon lance un appel. Il est dirigeant communiste, il lance un appel depuis Gradignan, qui est la banlieue de Bordeaux. Hein. Oui. Donc un appel à la résistance. Cet appel n'aura pas connu le même écho que celui du général de Gaulle, dont Charles Tillon sera d'ailleurs le ministre à la Libération. Oui. Alors, il y a deux appels. Il y a l'appel du... Non, il n'y a pas deux appels. Bien sûr, c'est une façon de parler. Il y a un appel lancé par un militant isolé, qui effectivement est un responsable communiste, qui s'appelle Charles Tillon, qui est un appel, j'allais dire, quand même globalement dans la ligne du Parti communiste de l'époque, même s'il s'en distingue un tout petit peu, et qui au fond appelle à la fois à résister à l'occupant, celui qui sera l'occupant, et puis en même temps à pas trop se mêler des affaires de la guerre. Donc c'est un appel qui est important, mais qui n'a pas du tout l'importance de l'appel du général de Gaulle. Parce que l'appel du général de Gaulle, au fond, ça devient très vite un lieu de mémoire. Ça veut dire que les gens, aujourd'hui comme à l'époque, n'ont pas entendu ou n'ont pas lu ligne à ligne l'appel, mais tout le monde sait ce dont parle l'appel et ce que c'est. Au point qu'après la guerre, quand on dira l'homme du 18 juin, on ne dira jamais l'homme du 18 juin 40 et on n'expliquera pas de qui on parle. Parce que le degré de notoriété est devenu tel qu'il suffit de dire le 18 juin pour renvoyer au général de Gaulle. Absolument. C'est-à-dire que le point de vue initial, cet homme parle et personne ne sait qui il est complètement renversé. L'homme parle et ça domine tout ce qu'il dit. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, l'appel du 18 juin, c'est sans commune mesure avec l'appel que lance Charles Tillon le 17 juin 40, même si, là encore, on voit que ça a des implications, parce que Charles Tillon deviendra le chef national du franc-tireur partisan français. Oui, FTP, oui. C'est-à-dire des groupes armés du Parti communiste, et il aura un rôle très important dans la résistance. Laurent Douzeau, dernière question. Je lis l'éditorial de Laurent Geoffrin dans Libération sous le titre « Le Pen de Gaulle, l'escroquerie politique ». Et il écrit, Laurent Geoffrin, « C'est sans doute l'entreprise de récupération la plus impudente de ces dernières années. Marine Le Pen se rend sur l'île de Sein pour rendre hommage au général de Gaulle, à la France libre et aux marins pêcheurs partis rejoindre le combat en Angleterre. » On en a parlé dans le récit. Escroquerie politique pour vous aussi ? En tout cas, récupération très claire. Marine Le Pen appartient à une famille politique qui n'a jamais apprécié, juste d'un euphémisme, le général de Gaulle. Alors pour des tas de raisons, mais notamment la guerre d'Algérie, il a eu dans cette mouvance-là ses pires adversaires, on peut même dire ses pires ennemis. Mais oui. Donc il y a là un renversement très net d'attitude. Merci infiniment Laurent Douzeau pour l'ensemble des informations que vous nous avez apportées après ce récit. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'appel du 18 juin 1940, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Mathias Léon qui était à la technique aujourd'hui, ainsi qu'à Damien Prévost pour les lectures de lettres et Julie Duruflet du site Retro News. Merci pour son aide précieuse. Demain, nous évoquerons l'histoire du CNR, ou comment le Conseil National de la Résistance a préparé la paix tout en faisant la guerre, comment il a construit la France d'après, surtout son modèle social, une œuvre majeure immense.